Chapitre 31e, les grands moyens. Alors Zigoma revint. « Allez-vous-en, » commanda-t-il à ses hommes. « Remontez, allez veiller sur la trappe. » Mais les hommes avaient vu. Des mâchoires épouvantables fermées sur leur proie, des lambeaux dépassaient, du sang coulait. Les hommes comprenaient qu'un des leurs se trouvait là-dedans, pris, tué. Ils voulaient savoir et tenaient à voir. Zigoma comprit leur désir. « Oui, un des nôtres a été tué. » Mais par sa faute, par son imprudence, il a désobéi à Zigomar, et voilà le résultat. » Un silence de glace accueillit ces déclarations à laquelle personne ne croyait. Zigomar reprit. « Le compagnon vient de payer pour notre prochaine victoire. Allons, parce que l'un des nôtres tombe. Nous ne devons pas cesser de marcher. Zigomar est le maître, le vainqueur. Et le compagnon a rempli son serment d'être à Zigomar, à la vie, à la mort. » Lugubre, sans enthousiasme, absolument navré, les aides répondirent comme le voulait le règlement. « Zal la vie, zal la mort !» Mais ils pensaient que la mort frappait trop souvent dans leur rang, qu'ils risquaient tous beaucoup pour vraiment peu de rapport. Ils se retirèrent fortement impressionnés. Restés seuls avec Thom Twig, le maître invisible, mais non invincible, comme il se prétendait aussi, revint au Tura. Secondé par le docteur Huger, il déclencha le ressort de l'appareil et finalement, non sans peine, l'ouvrit. Le spectacle fut épouvantable. Le corps du malheureux Z, écrasé, était percé de tous côtés de part en part comme déchiqueté. Des lambeaux de chair adhéraient à la mâchoire du haut autant qu'à celle du bas, la tête transpercée, écrasée, formant une sorte de bouillie rouge informe. Zigomar alla dans la cave prendre un sac qui avait servi à transporter le charbon. Il détacha avec l'aide du docteur Huger les morceaux de chair et les jeta dans le sac. Ce travail répugnant, épouvantable, dura fort longtemps. Quand il fut achevé, Zigomar prit le piège débarrassé de sa proie et le jeta dans l'autre piège qui se ferma avec un bruit terrible et se brisa sur les planches que ses dents en baïonnette ne purent traverser. Thom Twig, en secondant le prince Zigomar, ne disait mot. Il l'aida, toujours silencieusement, à emporter le sac contenant les débris lugubres. Chacun tenait une torche. Ce singulier cortège prenait dans ce souterrain une allure fantastique, macabre. Ces deux hommes en cagoule rouge, sous cet éclairage sinistre de torches, traînant autant qu'ils portaient ce sac dans lequel se trouvait un de leurs compagnons, ce sac, qui laissait tomber maintenant des gouttes rouges sur le sol gris, formait un de ces tableaux comme on en voit dans les nuits de cauchemar. Zigomar enfin apparut par la trappe du salon des patates. Il donna des ordres. Les hommes qui l'attendaient se retirèrent, sauf deux, qui à leur tour se chargèrent du lugubre sac. Les deux hommes traînèrent ce sac jusque dans la cour. Là, sur une brouette, ils le chargèrent, et ils sortirent de la maison du père Fricard. Une automobile l'attendait au bout de la ruelle. On hissa le sac à côté du cocher. Dans l'auto, deux gentlemen se trouvaient, à qui les hommes, ayant poussé la brouette, transmirent les derniers ordres du maître. L'auto s'éloigna. Deux jours après, on trouva sur une route, dans la forêt de Fontainebleau, le corps mutilé, écrasé d'un malheureux, d'un cheminot, que personne ne reconnut, ne réclama. On compta cela comme un accident d'automobile, et l'affaire fut à jamais classée. On enterra ces misérables restes dans la fosse commune, et tout fut dit pour ce compagnon de Zigomar. Cependant, si dans le souterrain, le docteur Huger, ramenant le corps de son compagnon, ne proféra pas une parole, un peu plus tard il se rattrapa largement. Il se trouvait seul avec le prince Grigoriski dans un autre appartement, où il venait parfois discuter, qui était occupé par un des membres du conseil des aides, celui qui précisément avait subi le terrible sort. Et là, Thom Twig, qui était jusqu'à ce moment demeuré très américain, très flegmatique, très calme, se laissait aller à sa mauvaise humeur. En véritable Américain encore, il laissa paraître sa nature violente, emportée. « Jusqu'à présent, mon cher, dit-il à Zigomar, vous avez perdu votre temps, rien fait de positif. Cependant, laissez-moi parler. J'admire votre courage, c'est entendu. Votre audace, oui, absolument. Mais je proclame que vous manquez tout à fait d'initiative, de résolution, et que si vous avez un but, vous ne savez pas quel chemin prendre pour y arriver. Il me semble, il vous semble à vous, que c'est très bien. Moi, je vois certainement que c'est très mauvais. Qu'auriez-vous fait, vous, à ma place? Je suis là pour le dire. Qu'est-ce que nous voulons? les millions de cet alcoolique et ramolli général Sobarov, bon, pour les obtenir, vous vous faites passer pour le prince Grigoriski. Vous avez approuvé. Je ne m'en défends pas. C'était un moyen. Mais les fantômes, les écritures de feu, tout le manège de l'au-delà, n'ayant produit aucun résultat, contre notre attente, il faut faire autre chose. Et cela tout de suite, pas demain, ce soir. D'accord ? En ce moment, nous sommes battus. Tout à fait battus par Paulin Broquet. Nous n'avons plus mon logement, car le docteur Huger a fini d'exister, n'est-ce pas ? De même que le prince Grigoriski. Bon. Nous ne pouvons rester sous cet échec et voir filer sous notre nez les millions après lesquels nous courons depuis longtemps. Je suis prêt à tout pour la vengeance et pour récupérer cet argent. Parfait. Paulin Broquet nous a brûlés, c'est le mot. Mon appartement et ma personnalité. Et le secret de la baleine, de la fourgue, des patates, de tout. Il croit par conséquent que nous sommes désemparés, que nous sommes éparpillés, affolés. Donc, c'est le moment d'agir. Marchons. Donc, plus de lanterne magique, plus de lettres de feu, de l'action immédiate. Ce que je conseillais tout d'abord comme étant d'un résultat plus prompt, nous sommes maintenant forcés d'y avoir recours. Oui, oui, je connais vos objections. Nous sommes en France. Il faut agir avec prudence et... J'espérais pouvoir obtenir par simple peur du général... Nous n'obtenons rien. Employons les grands moyens. Tom Twig, après un court moment de silence, reprit. Ce soir, nous allons tout bonnement enlever le général Sobarov. Ensuite, nous l'emporterons chez le vieux poilu, et il fera le fauve. Entendu. C'est un peu énergique, mais cela nous donnera avec cet homme les meilleurs résultats. L'affaire, alors décidée, fut rapidement combinée, arrêtée. Quelques heures plus tard, elle était exécutée.